Chapitre 6e. Quelle fut ma surprise de voir apparaître un petit homme, sec et jaune, nommé Isaac Lévy, éditeur d'albums, de gravures et de lithographies, marchand de tableaux d'occasion, avec lequel j'avais eu autrefois quelques relations d'affaires. « Diable, dit-il de sa voix métallique et dure, on a bien de la peine à vous trouver, mon cher monsieur. » Je touchai du doigt le bord de son chapeau qu'il avait gardé sur sa tête. « Chapeau bas, lui dis-je. « Vous êtes dans une chambre de deuil. » Il obéit et regarda autour de lui d'un air curieux. « Que venez-vous faire ici, monsieur Isaac Lévy ? » repris-je avec un geste d'irritation. « Vous demandez si vous voulez gagner de l'argent, monsieur Paul Saveuse. »« De l'argent ? » répétai-je. Je lui sautai au cou et le priai de s'asseoir. J'avais envie de pleurer. Je l'appelais, je crois, mon ange sauveur. Je pris son chapeau et sa canne et les déposai sur la toilette. Ce juif avait un haut degré l'instinct et le flair de ce lugubre oiseau qu'on nomme un usurier. Ma joie le fit réfléchir, il devina ma profonde détresse. « Dame, reprit-il, ne vous mettez pas en révolution, mon cher monsieur Paul. Il ne s'agit pas ici des mines du Pérou. Je ne viens pas vous proposer des mille et des cents. Ne vous rétractez pas !» m'écriai-je sourdement en le menaçant du regard. « Avez-vous donc menti pour insulter à ma douleur ?» « Vous m'avez parlé de gagner de l'argent. Que faut-il faire ? J'accepte toutes vos conditions, mais serai-je payé sur l'heure ?»« Diable ! Comme vous prenez feu, jeune homme !» dit Isaac. « Je vois que nous n'aurons pas de longues discussions ensemble. » Je serrai les poings et je mordais mes lèvres d'impatience. « au fait, monsieur Isaac, parlez vite !»« Patience, jeune homme !» reprit l'éditeur, en humant avec complaisance une prise de tabac. « Voici l'affaire. » Ce soir, il y a bal à l'opéra. Musard guide un orchestre de tous les diables. On annonce une tombola excentrique, un galop monstre, des quadrilles d'un débraillé fabuleux, une musique composée de coups de pistolet et de chaises cassées. On doit porter Musard en triomphe. Je vous apportais un billet pour ce bal, mon cher monsieur. Ah ça, êtes-vous fou ? Vous vous moquez de moi ? Que m'importe tout cela ? Lui dis-je, les lèvres tremblantes de colère. Patience ! Continua froidement le juif. Nous ne nous comprenons pas. J'ai dessein de publier une série de lithographies sur les bals des théâtres de Paris, des lithographies un peu décolletées, vous entendez ? Observa-t-il avec un sourire bête. Il me faut beaucoup d'épaules nues et des jupons courts, des yeux fripons, des costumes transparents, des lorettes comme s'il en pleuvait. Puis quelques mots spirituels au bas de la planche, dans le genre des croquis de Louis Desnoyers du Charivari. « Vous avez de l'esprit comme Gabarni, qui est malade en ce moment et ne peut tenir un crayon. J'ai donc pensé à vous. Remerciez-moi. » J'éclatai d'un rire convulsif en entendant cette proposition inouïe. Isaac me regardait avec stupeur. « Mais vous ne savez donc pas où vous êtes ? Vous avez oublié que c'est ici une chambre de deuil. Regardez. » Je tirai violemment les rideaux d'Annonciade et la montrai pâle et inanimée à ce marchand. « Eh bien, dit-il de sa voix impassible, « Comment ? » repris-je indigné. « Vous voulez que devant cette créature qui se meurt, je trace des dessins de danses obscènes et d'amour dévergondé ? Je vais la quitter, n'est-ce pas, pour aller au bal de l'opéra ? Si ses yeux se rouvrent et me cherchent, on lui répondra que je suis à l'opéra. Est-ce que là je verrai luire par les trous des masques des yeux plus vifs et plus joyeux ? Oh, ma tête se perd. « Ah, je comprends, dit Isaac, c'est votre maîtresse. Pardon si j'avais su. » « Taisez-vous, malheureux » murmurai-je. « Non, ce n'est pas ma maîtresse. C'est la plus noble des femmes que son amant a lâchement abandonnée. »« Et vous voulez réparer les torts de ce monsieur ?» reprit le juif avec un ricanement sardonique. « Pauvre homme, » dis-je en haussant les épaules, « vous ne pouvez rien comprendre à ce que je sens pour elle. Je l'aime. Pourquoi ? Je l'ignore. Un aimant irrésistible m'attire vers cette femme, qui aime le dernier des misérables. Je la plains et je l'aime. » « Ah, ce qui se passe au fond des cœurs est une énigme étrange. Est-ce la beauté qui fait aimer ? Mais j'aimerais annoncer à défigurer par la maladie. Est-ce l'estime ? Mais elle m'a toujours regardé comme son frère et son ami loyal, et elle ne m'a pas aimé. Pourtant, je lui dois tout le bonheur de ma vie, car je suis heureux de veiller sur elle, de la voir me regarder, de sentir l'étreinte de sa main. J'aurais été son laquais avec joie. Je voudrais pouvoir satisfaire jusqu'au moindre de ses caprices. » Un mot de sa bouche me paierait au centuple d'une année de souffrance. » Isaac Lévy reprit sa canne et son chapeau. « « J'avais compté sur vous, monsieur Saveuse, » dit-il. « Je suis venu dans un mauvais moment, n'en parlons plus. » Cependant, Annonciade s'allongea sur sa couche. J'entendis siffler sa respiration empressée et elle murmura « J'ai soif ». Je regardai comme un fou l'éditeur qui se dirigeait vers la porte et lui barrait tout à coup le passage. « Cet argent que vous me proposiez, » lui dis-je la rougeur au front, « ne pourriez-vous pas me le prêter quelques jours ?»« Impossible, » répliqua-t-il d'un air qui me sembla insolent. « C'est après-demain, ma fin de mois, elle sera lourde en diable, et je fais un sacrifice en payant 300 francs comptant à l'artiste qui se chargera de ce dessin. Du reste, je suis bon enfant, et si vous vous repentez de votre refus, je suis encore prêt à conclure le marché avec vous. Ah, j'oubliais de vous dire qu'il serait bon d'esquisser dans la cohue du bal quelques ressemblances d'actrices en vogue et de lorettes à la mode. Un peu de scandale ne nuit pas. » Pendant qu'il parlait, je regardais Annonciade avec des larmes dans les yeux. Quand il eut fini, je m'avançai vers lui en disant « Savez-vous, mon bon monsieur Isaac, que j'ai une forte envie de vous étrangler de mes mains ?»« Ah, vous avez donc cru que je pourrais finir par accepter votre offre infâme ?» Et je me mis à rire. De quel rire, grand Dieu ! J'étais vraiment ivre de colère, et pourtant je contenais les éclats de ma voix. Isaac Lévy recula tout en tremblant devant moi. J'espérais trouver un homme moins scrupuleux dans le peintre de la chanteuse Flora, balbutia-t-il. Le peintre de la Flora, répétai-je. Avez-vous vous rappelé le portrait de cette chanteuse éblouissante d'éclat et de beauté, vêtue comme une reine d'Assyrie, glorieuse et triomphante? Eh bien, voulez-vous le regarder encore une fois, généreux Isaac? Je vais vous le montrer. Volontiers, car personne ne savait ce que votre chef-d'œuvre était devenu, monsieur Saveuse. Folie, monsieur Isaac, dis-je en le saisissant par le bras et le traînant de force près du lit d'Annonciade. Folie et mensonge, car voici aujourd'hui le véritable portrait de Flora. Dites-moi, le reconnaissez-vous? Et j'éclatai alors en sanglots, les larmes ruisselantes sur mon visage. Le juif restait stupéfait devant ce lit, répétant machinalement « La Flora ». Cette femme, maigre et pâle, c'est la Flora que j'ai si souvent applaudie. Il se tourna soudainement vers moi. « Elle a froid. Il n'y a pas de feu dans cette cheminée. »« Silence, tentateur, » répliquai-je, « puisque mon esprit torturé et ma main tremblante ne peuvent gagner cet argent que tu vends si cher. » Ainsi, continua ce démon, d'une voix plus haute et plus mordante, « vous ne ferez pas l'aumône d'un convoi à celle que vous aimez? Vous la livrerez au corbillard des pauvres? Silence, misérable, » m'écriai-je. « Assez d'insultes, sortez !» Mais déjà le mot terrible avait frappé l'oreille d'Annonciade. La pauvre mourante leva avec effort sa tête lourde et glacée, et tournant vers Isaac, ses yeux éteints et mornes, elle murmura d'une voix râlante. « Le corbillard des pauvres, avez-vous dit, monsieur? Oh, Paul, cela me fait peur. Paul, sauvez-moi de ces dernières misères. Étienne rougirait de suivre le corbillard des pauvres, et qui sait, si j'ai un convoi, peut-être se souviendra-t-il de Flora. » « Madame, » dit Isaac, « Monsieur Saveuse n'a qu'un mot à dire et je vous promets un convoi honorable. J'aurais tué cet homme si une arme s'était trouvée sous ma main. »« Paul, mon frère, tu l'entends ?» dit Flora. « Eh bien, soit » m'écriai-je. « Je ferai ce que vous voudrez, honnête Isaac. Mais ce supplice a assez duré. Votre vue m'est odieuse. Sortez ou je ne réponds plus de moi. » Le juif s'inclina devant la mourante, me salua et gagna la porte. Là, il me dit en souriant, « Comme j'espérais bien obtenir de vous ce petit service, monsieur Saveuse, j'ai fait apporter dans l'antichambre la pierre lithographique. Je la ferai reprendre demain matin à 9 heures, et je vous enverrai les 300 francs en même temps. » « Je tiendrai ma parole, » lui dis-je en frémissant de la tête aux pieds, et il sortit. « Et tu as accompli cet épouvantable sacrifice ?» demandai-je à Paul Saveuse, dont les cheveux se hérissèrent à ce souvenir funeste. « Oui, » répondit le diacre, tandis qu'une flamme sombre s'allumait dans ses yeux. « Et ce que j'ai souffert cette nuit-là me sera compté là-haut, j'espère. » Je n'allais pas au bal de l'opéra, car je ne voulais pas quitter Annonciade. Mais à deux pas d'elle, je m'efforçais de l'oublier pour tracer sur la pierre des formes joyeuses qui dansaient sous mon crayon comme un rêve. Mais je ne faisais rien de bon. Par moments, j'entendais le souffle pénible de ma bien-aimée. Je me levais, brisant mon crayon avec rage, pour aller étancher ses cheveux humides d'une sueur froide. Parfois, sa respiration s'arrêtait. Je doutais tout à coup si elle était encore vivante, et je n'osais la regarder. Alors, son visage glissait devant mes yeux éblouis, et je reproduisais machinalement les yeux de la Flora sous le masque des danseuses. Malgré cette angoisse, la nuit s'avançait rapidement. Enfin, je me mis à implorer Dieu avec la ferveur candide d'un enfant, un moment où ma tête s'égarait en récitant les prières des agonisants. Il m'entendit et m'exauça, car l'inspiration me vint. Le crayon traça sous mes doigts une satire brûlante et vengeresse du vicieux et triomphant. Je jetai dans cette saturnale effrénée de l'opéra tous ceux qui avaient gâté la vie d'Annonciade, depuis l'impresario stupide jusqu'à Beaucresson le goujat et l'insolente Hortensia. Je les flétris d'un type de ridicule indélébile, et cette vengeance accomplie, je me levai joyeux en disant « Tu me demandais de l'esprit et du scandale, Isaac Lévy. Tu es servi à souhait. Réjouis-toi. Je ferai rire le public aux dépens de tous ces infâmes qui ont tué Annonciade. Et ce rire, c'est de l'argent. Et avec cet argent, Isaac paiera ton convoi, pauvre femme. » Au même instant, j'entendis un souffle murmurer « Étienne, Étienne, où es-tu ? » J'écoutais encore. Rien. Je frissonnais et m'avançais vers le lit. Les lèvres d'Annonciade étaient violettes et ses yeux fixes. Ses mains serraient avec force le collier de corail. J'essayais de les en détacher. Elles étaient froides et raides. Il me sembla tout à coup que je devenais aveugle et que je recevais un coup violent dans la poitrine. Mes jambes fléchirent et je tombai agenouillé près du cadavre, car Annonciade était morte. Mon dessin eut un succès fou, Lucien. Il obtint les honneurs de la gravure sur acier, et le convoi de Flora la cantatrice fut digne d'elle. « Et Beaucresson ? » demandai-je à Paul Saveuse. « Ah ! Je voudrais n'avoir plus à te parler de ce misérable, » répondit le diacre avec un éclat de haine dans les yeux. « Mais puisque tu veux tout savoir, j'aurai le courage d'achever mon récit. On ne se débarrasse pas de l'amour vrai comme d'une intrigue, Lucien. La mort d'Annonciade n'éteignit pas mon amour. Il brûlait toujours mon cœur et le consumait. Le souvenir idéalisait le passé pour moi. Souvent la nuit, je croyais entendre le son de la voix d'Annonciade résonner doucement à mon oreille et sentir le parfum de ses cheveux. Mais ma haine pour son assassin grandissait sans cesse. Je consacrais ma vie à devenir l'ombre de la vie de cet homme. Je ne voulais pas qu'il pût oublier son crime dans un tranquille bonheur et insulter à la mémoire de la Flora. Je devais la venger. Comment ? Je l'ignorais encore, mais je ne voyais pas d'autre but à mon existence. Je travaillais un peu pour soutenir les sœurs d'Annonciade. Je fis, sous un nom de guerre, toutes sortes de dessins, de gravures et de copies qu'Isaac Lévy m'achetait à vil prix. Le soir, je hantais des estaminets et des tripots où je rencontrais Beaucresson. Car avili, méprisé, abandonné bientôt par les rivales de sa maîtresse après la mort de celle-ci, il était peu à peu descendu dans la base sociale jusqu'au cou. L'heure que j'attendais arriva enfin. Une nuit, je surpris le misérable, dans l'ivresse insolente du triomphe, chez une femme qui tenait une table d'hôte équivoque, Frascati véreux. Il venait de plumer quelques pigeons, pour parler son style, c'est-à-dire les candides fils de famille qu'il lançait dans le monde après avoir vendu leur signature à des usuriers. Je le regardais fixement, puis je m'assis devant lui à une table de jeu. Il tressaillit, car je ne jouais jamais. Mais comme je pris un air doux et riant, il redevint bientôt insolent et goguenard. Je perdis comme je m'y attendais. Je continuai à jouer pendant une heure, et je perdis toujours. Il m'avait plusieurs fois offert de cesser, en m'assurant que je n'étais pas de sa force, mais j'avais constamment exigé des revanches. Lorsque je n'eus plus d'argent sur moi, je mis au jeu une petite bague en cheveux. « Que voulez-vous que je tienne contre ce brimborion ? » dit-il d'un air dédaigneux. « Vous ne reconnaissez pas ses cheveux ? » lui demandai-je en souriant, car je voulais éprouver s'il ne ressentait pas un peu d'émotion. La moindre trace de souvenir et de regret, un frisson sur sa figure, une lueur humide dans ses yeux, je ne demandais que cela, et il était sauvé, car Annonciade l'avait tant aimé que pour elle, j'étais capable d'avoir pitié de lui. Il me regarda avec une expression d'étonnement. « Ah, ce sont les cheveux de Flora, » répondit-il insouciamment. « Elle vous en a aussi donné, à vous, mon bel amoureux transi. Les petites bagues entretiennent l'amitié. Saint du paradis, le goujat t'insulte, Annonciade, » pensais-je. Et je dis à Beaucresson d'une voix impérieuse, « Jouez !» Au second rang qu'il retourna, je levai un couteau que je venais d'ouvrir sous la table et je lui clouai sous le tapis vert la main qui tenait les cartes en m'écriant « Vous êtes un fripon, qu'on ferme les portes !» Je fis vérifier les cartes, elles étaient biseautées, tu devines le reste. Après la condamnation de Vaucresson, je quittai Paris et je suis venu m'enfermer seul dans la retraite, seul avec Dieu et avec mon amour, car je n'ai cessé d'aimer Annonciade. Avais-je tort, Lucien, lorsque je t'ai dit « Crains d'aimer, car tu ne serais qu'une dupe et une victime !» Lorsque je quittai Paul Saveuse, le diacre, 8 jours après, je revins directement à Paris et j'avais tout à fait oublié mon projet de voyage au Havre. Ainsi s'achève « La Vierge de l'Opéra » d'Emmanuel González.